sortir. On baissait les volets une fois. T'as essayé de te suicider, mais t'étais trop calme pour réussir. Je te disais t'en prends trop, tu devrais pas te fixer. Je pense à toi quand j'ai le cafard. Je me dis que t'étais une fille bien, mais que je t'ai rencontrée beaucoup trop tard. Tu sais maintenant, je suis vraiment mal. Des fois quand je rentrais dans l'appartement, te trouver au fond de la salle de bain, en train de te foutre une seringue dans l'avant-bras. Je pense à toi quand j'ai le cafard. Je me dis que t'étais une fille bien, mais que je t'ai rencontrée beaucoup trop tard. Rien n'est pareil. On se balade sous la flotte et les néons. Quand je vais au cimetière, ça me fait de la peine de me dire que t'es plus là pour voir les tombes. Je pense à toi quand j'ai le cafard. Je me dis que t'étais une fille bien, mais que je t'ai rencontré beaucoup trop tard. Pense à toi quand j'ai le cafard.